Poème 1 des Fêtes galantes de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Clair de lune. Votre âme est un paysage choisi que vont charmant masques et bergamasques, jouant du luth et dansant et quasi tristes sous leur déguisement fantasque, tout en chantant sur le mode mineur. L'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leur chanson se mêle au clair de lune, au calme clair de lune triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres, et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 2 des Fêtes galantes de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Pantomime. Pierrot, qui n'a rien d'un clitandre, vide un flacon sans plus attendre, et pratique, entame un pâté. Cassandre, au fond de l'avenue, verse une larme méconnue sur son neveu déshérité. Ce faquin d'Arlequin combine l'enlèvement de Colombine et pirouette quatre fois. Colombine rêve, surprise, de sentir un cœur dans la brise et d'entendre en son cœur des voix. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 3 des Fêtes galantes de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Sur l'herbe. L'abbé divague. Et toi, marquis, tu mets de travers ta perruque. Ce vieux vin de Chypre est exquis, moins qu'amargo que votre nuque. Ma flamme, domisole lassie, l'abbé ta noirceur se dévoile. Que je meure, mesdames, si je ne vous décroche une étoile. Je voudrais être un petit chien, embrassant nos bergères, l'une après l'autre, messieurs, eh bien, do, mi, sol, et bonsoir la lune. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 4 des Fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. L'allée. Fardée et peinte comme au temps des bergeries, frêle parmi les nœuds énormes de rubans, elle passe sous les ramures assombries, dans l'allée où verdit la mousse des vieux bancs, avec mille façons et mille affrêteries qu'on garde d'ordinaire aux perruches chéries. Sa longue robe à queue est bleue, et l'éventail qu'elle froisse en ses doigts fluets aux larges bagues s'égaie en des sujets érotiques, si vagues qu'elle sourit, tout en rêvant, à main détail. Blonde, en somme. Le nez mignon avec la bouche incarnadine, grasse, et divine d'orgueil, inconscient. D'ailleurs plus fine que la mouche qui ravive l'éclat un peu niais de l'œil. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 5 des Fêtes galantes de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. À la promenade. Le ciel si pâle et les arbres si grêles semblent sourire à nos costumes clairs qui vont flottant, légers avec des airs de nonchalance et des mouvements d'ailes. Et le vent doux rit de l'humble bassin et la lueur du soleil qu'atténue l'ombre des batilleuls de l'avenue nous parvient bleue et mourante à dessein. Trompeurs exquis et coquettes charmantes, cœurs tendres mais affranchis du serment, nous devisons délicieusement, et les amants lutinent les amantes. De qui la main imperceptible sait, parfois donner un soufflet qu'on échange contre un baiser sur l'extrême phalange du petit doigt, et comme la chose est immensément excessive et farouche, qu'on est puni par un regard très sec, lequel contraste, au demeurant, avec la moue assez clémente de la bouche. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 6 des Fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Dans la grotte. Là, je me tue à vos genoux, car ma détresse est infinie, et la tigresse épouvantable d'Hyrcanie est une agnelle au prix de vous. Oui, céans cruels Climène, ce glaive qui dans main combat, mit tant de Scipion et de Cyrus abat, va finir ma vie et ma peine. Ai-je même besoin de lui pour descendre aux Champs-Élysées? Amour perça-t-il par de flèches aiguisées mon cœur, dès que votre œil m'eut lui? Fin du poème. Cet enregistrement appartient au domaine public. Poème 7 des Fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Les ingénus. Les hauts talons luttaient avec les longues jupes, en sorte que, selon le terrain et le vent, parfois luisaient des bas de jambes trop souvent interceptés, et nous aimions ce jeu de dupes. Parfois aussi le dard d'un insecte jaloux inquiétait le col des belles sous les branches, et c'étaient des éclairs soudains de nuques blanches, et ce régal comblait nos jeunes yeux de fous. Le soir tombait, un soir équivoque d'automne, les belles cependant rêveuses à nos bras dirent alors des mots si spécieux, tout bas, que notre âme depuis ce temps tremble et s'étonne. Fin du poème. Cet enregistrement appartient au domaine public. Poème 8 des Fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Cortège. Un singe en veste de brocart trotte et gambade devant elle, qui froisse un mouchoir de dentelle dans sa main gantée avec art, tandis qu'un négrillon tout rouge maintient à tour de bras les pans de sa lourde robe en suspens, attentif à tout pli qui bouge. Le singe ne perd pas des yeux la gorge blanche de la dame, opulent trésor que réclame le torse nu de l'un des dieux. Le négrillon parfois soulève, plus haut qu'il ne faut, l'aigre fin, son fardeau somptueux afin de voir ce dont la nuit il rêve. Elle va par les escaliers et ne paraît pas davantage sensible à l'insolent suffrage de ces animaux familiers. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 9 des Fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Les coquillages. Chaque coquillage incrusté dans la grotte où nous nous aimâmes a sa particularité. L'un a la pourpre de nos âmes, dérobée au sang de nos cœurs, quand je brûle et que tu t'enflammes. Cet autre affecte tes langueurs et tes pâleurs, alors que, lasse, tu m'en veux de mes yeux moqueurs. Celui-ci contrefait la grâce de ton oreille et celui-là, ta nuque rose, courte et grasse. Mais un, entre autres, me troubla. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 10 des Fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. En patinant. Nous fûmes dupes, vous et moi, de manigances mutuelles. Madame, à cause de l'émoi dont l'été férut nos cervelles. Le printemps avait bien un peu contribué, si ma mémoire est bonne, à brouiller notre jeu, mais que d'une façon moins noire. Car au printemps, l'air est si frais qu'en somme les roses naissantes, qu'amour semble entr'ouvrir exprès, ont des senteurs presque innocentes. Et même les lilas ont beau pousser leur haleine poivrée dans l'ardeur du soleil nouveau, s'est excitant au plus récré, dans le zéphyr souffle moqueur, dispersant l'aphrodisiaque effluve, en sorte que le cœur chaume et que même l'esprit vaque, et qu'émoustillés les cinq sens se mettent alors de la fête, mais seul, tout seul, bien seul, et sans que la crise monte à la tête. Ce fut le temps, sous de clairs ciels, vous en souvenez-vous, madame, des baisers superficiels et des sentiments à fleur d'âme, exempts de folles passions, pleins d'une bienveillance amène, comme tous deux nous jouissons, sans enthousiasme et sans peine. Heureux instant, mais vint l'été. Adieu, rafraîchissante brise. Un vent de lourde volupté investit nos âmes surprises. Des fleurs, au calice vermeil, nous lancèrent leurs odeurs mûres. Et partout, les mauvais conseils tombèrent sur nous des ramures. Nous cédâmes à tout cela, et ce fut un bien ridicule vertigo qui nous affola tant que dura la canicule. Rire oiseux, pleurs sans raison, mains indéfiniment pressées, tristesse moelle, pâmoison, et quelle vague dans les pensées. L'automne, heureusement, avec son jour froid et ses brises rudes, vint nous corriger, bref et sec, de nos mauvaises habitudes, et nous induisit brusquement en l'élégance réclamée de tout irréprochable amant, comme de toute digne aimée. Or cet hiver, madame, et nos parieurs tremblent pour leur bourse, et déjà les autres traîneaux osent nous disputer la course. Les deux mains dans votre manchon, tenez-vous bien sur la banquette, et filons, et bientôt fanchons, nous fleurira quoi qu'on caquette. Fin du poème 10. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 11 des Fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Fantoche. Scaramouche et Pulcinella, qu'un mauvais dessin rassembla, gesticule noir sur la lune. Cependant, l'excellent docteur Bolonnais cueille avec lenteur des simples parmi l'herbe brune. Lors sa fille, piquant minois, sous la charmille en tapinois, se glisse demi-nue en quête de son beau pirate espagnol, dont un langoureux rossignol clame la détresse à tue-tête. Fin du poème 11. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 12. Des fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Cythère. Un pavillon à claire-voie abrite doucement nos joies, qu'éventent des rosiers amis. L'odeur des roses, faible, grâce au vent léger d'été qui passe, se mêle au parfum qu'elle a mis. Comme ses yeux l'avaient promis, son courage est grand et sa lèvre communique une exquise fièvre. Et l'amour comblant tout, hormis la faim, sorbet et confiture, nous préserve des courbatures. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 13. Des fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. En bateau. L'étoile du berger tremblote dans l'eau plus noire, et le pilote cherche un briquet dans sa culotte. C'est l'instant, messieurs, ou jamais, d'être audacieux, et je mets mes deux mains partout désormais. Le chevalier Atys, qui gratte sa guitare, à Chloris l'ingrate, lance une œillade scélérate. L'abbé confesse bas églé, et ce vicomte déréglé, des chants, donne à son cœur la clé. Cependant, la lune se lève, et l'esquif, en sa course brève, file gaiement sur l'eau qui rêve. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 14. Des fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Le faune. Un vieux faune de terre cuite rit au centre des boulingrins, présageant sans doute une suite mauvaise à ses instants sereins, qui m'ont conduit, étant conduite, mélancolique pèlerin, jusqu'à cette heure dont la fuite tournoie au son des tambourins. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 15. Des fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Mandoline. Les donneurs de sérénades et les belles écouteuses échangent des propos fades sous les ramures chanteuses. C'est Tircis, et c'est Aminte, et c'est l'éternel Clitandre, et c'est Damis qui, pour mainte, cruelle, fait main vers tendre. Leur courte veste de soie, leur longue robe à queue, leur élégance, leur joie, et leurs molles ombres bleues, tourbillonnent dans l'extase d'une lune rose et grise, et la mandoline jase parmi les frissons de brise. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 16. Des fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. À Climène. Mystique barcarolle, romance sans parole, chère, puisque tes yeux, couleur des cieux, puisque ta voix, étrange, vision qui dérange et trouble l'horizon de ma raison, puisque l'arôme insigne de ta pâleur de cygne, et puisque la candeur de ton odeur, ah, puisque tout ton être, musique qui pénètre, nimbe d'ange défunt, ton et parfum. Ah, sur d'âme cadence, en ses correspondances, induit mon cœur subtil, ainsi soit-il. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 17 des Fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouin. Lettre. Éloignée de vos yeux, madame, par des soins impérieux, j'en prends tous les dieux à témoin. Je languis et je meurs, comme c'est ma coutume en pareil cas, et vais, le cœur plein d'amertume, à travers des soucis où votre ombre me suit, le jour dans mes pensées, dans mes rêves la nuit, et la nuit et le jour, adorable madame, si bien qu'enfin, mon corps faisant place à mon âme, je deviendrai fantôme à mon tour aussi, moi, et qu'alors, et parmi le lamentable et moi, des enlacements vains et des désirs sans nombre, mon ombre se fondra à jamais en notre ombre. En attendant, je suis, très cher, ton valet. Tout se comporte-t-il là-bas comme il te plaît? Ta perruche, ton chat, ton chien, la compagnie, est-elle toujours belle? Et cette Sylvanie, dont j'eusse aimé l'œil noir si le tien n'était bleu, et qui parfois me fit des signes, palsambleu, te sert-elle toujours de douce confidente? Or, madame, un projet impatient me hante, de conquérir le monde et tous ses trésors pour mettre à vos pieds ce gage indigne d'un amour, égal à toutes les flammes les plus célèbres, qui des grands cœurs aient fait resplendir les ténèbres. Cléopâtre fut moins aimée, oui, sur ma foi, par Marc-Antoine et par César, que vous, par moi. N'en doutez pas, madame, et je saurai combattre comme César pour un sourire, ô Cléopâtre, et comme Antoine fuir au seul prix d'un baiser. Sur ce, très cher, adieu, car voilà trop causé, et le temps que l'on perd à lire une missive n'aura jamais valu la peine qu'on l'écrive. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 18 des Fêtes galantes par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouin. Les indolents. Bah, malgré les destins jaloux, mourons ensemble, voulez-vous? La proposition est rare. Le rare est le bon. Donc mourons, comme dans les Décaméron. Hi, hi, hi, quel amant bizarre! Bizarre, je ne sais. Amant irréprochable, assurément. Si vous voulez, mourons ensemble. Monsieur, vous raillez mieux encore que vous n'aimez, et parlez d'or. Mais taisons-nous, si bon vous semble. Si bien que ce soir-là, Tircy et Dorimène, à deux assis, non loin de deux sylvains hilars, eurent l'inexpiable tort d'ajourner une exquise mort. Hi, hi, hi, les amants bizarres. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 19 des Fêtes galantes de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouin. Colombine. Léandre le sot, Pierrot, qui d'un saut de puce franchit le buisson, Cassandre sous son capus, Arlequin aussi, cet aigre fin si fantasque, au costume fou, ses yeux luisants sous son masque, do mi sol mi fa, tout ce monde va, rit, chante et danse devant une belle enfant méchante, dont les yeux pervers, comme les yeux verts des chattes, gardent ses appas et disent abat les pattes. Eux, ils vont toujours, fatidique cours des astres. Oh, dis-moi, vers quel morne ou cruel désastre? L'implacable enfant, preste et relevant ses jupes, la rose au chapeau, conduit son troupeau de dupes. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 20. Défaite galante par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. L'amour par terre. Le vent de l'autre nuit a jeté bas l'amour, qui, dans le coin le plus mystérieux du parc, souriait en bandant malignement son arc, et dont l'aspect nous fit en songer tout un jour. Le vent de l'autre nuit l'a jeté bas, le marbre où souffle du matin tournoie et part. C'est triste de voir le piédestal où le nom de l'artiste se lit péniblement parmi l'ombre d'un arbre. Oh, c'est triste de voir debout le piédestal, tout seul, et des pensées mélancoliques vont et viennent dans mon rêve où le chagrin profond évoque un avenir solitaire et fatal. Oh, c'est triste. Et toi-même, est-ce pas, es touché d'un si dolent tableau, bien que ton œil frivole s'amuse aux papillons de pourpre et d'or qui volent au-dessus des débris dont l'allée est jonchée. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 21. Défaite galante par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. En sourdine. Calme dans le demi-jour que les bronches hautes font, pénétrons bien notre amour de ce silence profond. Fondons nos âmes, nos cœurs et nos sens extasiés parmi les vagues longueurs des pins et des arbousiers. Ferme tes yeux à demi, croise tes bras sur ton sein, et de ton cœur endormi, chasse à jamais tout dessein. Laissons-nous persuader au souffle berceur et doux qui vient à tes pieds rider les ondes du gazon roux. Et quand, solennel, le soir des chênes noirs tombera, voix de notre désespoir, le rossignol chantera. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème 22. Défaite galante par Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. Colloque sentimental. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, où nous joignons nos bouches, c'est possible. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Fin du poème. Fin des fêtes galantes par Paul Verlaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.